oiseau, sommes-nous dans la jungle ou dans l'océan? Au marché, il faut résister aux gens bien informés, pas tentés. Sur les pelouses jaunes se pose un oiseau, sommes-nous dans la jungle ou dans l'océan? Résistez au microcosme qui font la pluie et le beau temps et qui se rendent service mutuellement. Sont-ils capables d'écouter une autre pensée radicalement différente? Sont-ils capables de faire écouter d'autres chansons à leurs auditeurs? Ce chaud se pose en moi, ce bout de la jungle. Sont-ils capables de faire écouter d'autres chansons à leurs auditeurs? Sure.